tout est calculé, tout est manigancé pour que le 308 ne vienne pas nous coincer. Tout est calculé, tout est manigancé, tout est manigancé. La vie de rêve. Tout est calculé, tout est manigancé pour que le 308 ne vienne pas nous coincer. S'il y a des trous, on résout l'équation. Ouais, s'il y a des trous, on résout l'équation. Jack Daniel dans la potion, c'est en espèce que je laisse la caution. Après l'avertissement, c'est l'exécution. Dans la bouche, problème d'élocution. Banks to Banks, party dress. Tu venais pécho quand je tartinais. Un an après, je suis une star du net. Star for love. Tous tes rappeurs ont des amulettes. Je crois en Dieu, je les baisse tous. Déterminés, j'ai vu la lumière. Ça rabat les schlags du père. Le but c'est faire trappe, tu pèses. Tu croyais que t'étais bon, elle simulait. Elle a commis l'adultère. Zéro menace que des promesses. Nos jeux couleur omelette. Les plus riches ne sont pas les plus honnêtes. Non, les plus riches ne sont pas les plus honnêtes. Elle voudrait que je lui passe la bague au doigt. Mais elle a le clito gros comme un donut. T'as zéro lust, t'es qu'une folasse. Ça m'intéresse, I thank you so much. Toujours capuché devant les stars. La journée, le gérant rencontre les feuilles. La chimique est dans le plein. On ravale, tu cavales comme Forrest Gump. La concurrence ne rappe pas dans les temps. Je te conseille de pas donner des noms. Le couteau chauffé chez la nounou. Je suis dans le sable mouvant dans les dunes. Ou dans les sinus de Madonna. Et comme tant t'aime, je baisse à la boule. Jusqu'à ce qu'elle m'aime, jusqu'à ce qu'elle jouisse. Jusqu'à ce qu'elle crie, jusqu'à ce qu'elle serre comme un KTM. Les idées sont noires. Plus noir que ça c'est le désespoir. Passe-nous la balle, on va marquer le score. Passe-nous la balle, on va marquer le score. Elles aiment le bif, le luxe, les voitures de coûteux. Elles deviendront des escorts. Pareil avec ou sans mes potes. Sous la bouche j'ai trouvé de l'or. Ouais, sous la bouche j'ai trouvé de l'or. J'ai gardé en tête qu'on est les plus forts. Et chef de poste, garde tes pattes. Et dis-moi c'est quand que je sors. Banlieue parisienne dangereuse. Tu veux nous suivre mais t'es dans le rouge. Je me demande comment j'ai fait toutes ces années pour pouvoir rapper avec une telle rage. On multiplie le bénéfice trois fois. Sinon on le fait pas, ça sert à chier. J'ai cinq doigts dans le quanga. Technique précise comme Beati. Et la vérité, c'est que c'est moi le boss. Mais personne ne le dit pour pas choquer les mœurs. T'es des putains de bombes qu'on amorce. Plus y'a des fans et plus y'a des haters. Banks to Banks, partie 3. Tous les jours c'est mardi gras. Jim N.I. jusqu'au bout. Comme le frangin de Nabila.